Revanche du génie par Binet Valmer. Dans un agréable hôtel qui domine, à demi caché par les derniers arbres de la forêt de Fontainebleau, la douce vallée du Loing, rivière nonchalante, une scène assez pathétique, se déroula sous l'étonnante lumière d'un glorieux matin. Madame Lambroise, l'épouse encore jeune de ce Thomas Lambroise, qui vend à prix de dollars ses portraits de dames américaines et de stars d'Hollywood, dit à son mari qu'elle trouvait tout occupée d'oindre d'un parfum léger sa chevelure et sa barbe. « Pourquoi sommes-nous venus ici? Tu ne savais donc pas? Ah, je suis bouleversé, et il est très malade. Avant-hier, il a failli mourir. » Thomas Lambroise se tourna sans émoi vers cet exalté. Il était beau, elle avait été belle. Il était demeuré maigre, souple, elle était devenue grasse, un peu lourde. « Pourquoi je suis venu ? » dit-il. « Pour peindre autre chose que des visages, j'en ai assez de plaire et de vendre. Mais de qui parles-tu ? » « De lui. Tu ne savais pas qu'il habitait ici, à l'hôtel ? » ?»« Non, dans une villa, au bord du Loing. » « Qui t'en a prévenu ? » ?»« Sa vieille servante. » »« Marie ? » ?»« Marie, elle ne l'a pas quitté depuis 10 ans. » »« Je l'ai rencontrée tout à l'heure. Elle m'a reconnu. Elle est venue à moi comme si rien ne s'était passé. Et il est très malade, perdu. » Il a presque 70 ans. Oui, il avait presque 60 ans quand tu l'as quitté. Le pauvre vieux, cela me fait quelque chose. C'était ton maître. Je ne le renie pas. Tu étais sa femme. J'étais sa femme et je l'admirais. Un admirable bonhomme. Il n'a pas la place qu'il mérite. Un grand peintre, peut-être le plus grand de notre époque. Il y a déjà 10 ans. Que vas-tu faire? Marie m'a dit que tu devrais aller le voir. C'est plutôt toi qui devra aller le voir et lui demander pardon. Je n'oserai pas, après ce que je lui ai fait. Et moi, après ce que je lui ai fait. Ce n'était pas élégant ce qu'ils avaient fait à Justin Briat, ce vieux grand bonhomme que nous sommes quelques-uns placés bien au-dessus des marchands de toile et des démons du pinceau. Pas élégant, banal, laid. Le vieux Briat s'était marié sur le tard avec une belle fille bien en chair qui lui servait de modèle. Ensuite, il avait aimé celle qui lui rendait la vie plus facile. Il l'avait éduquée, il lui avait appris à connaître la beauté et à la discerner. Elle était comme son reflet, et il avait besoin de ce reflet. La journée du travail finie, il appelait Suzon. « Qu'en penses-tu ? » Et il attendait son verdict. Il guettait l'expression de son visage. Quand le visage s'illuminait, il était content, certain de ne pas s'être trompé. Elle le soulageait de ce doute perpétuel qui était la preuve de son génie inassouvi. « Tu comprends ? » lui disait-il, les autres ne savent pas dessiner. Ainsi, ce gentil Thomas Lambroise est tout à fait incapable de dessiner une main. C'est difficile de dessiner une main. Et puis ils n'ont pas de lumière. Tu vois cette fesse. Moi, j'ai envie de taper dessus. Je n'ai pas envie de taper sur les fesses que peignent les autres. Suzon riait de ses propos grossiers. Elle répondait. Moi aussi, j'ai envie de taper sur cette fesse-là. Il était ravi. Il asseyait sur ses genoux la maîtresse épousée. Toi, tu comprends ? Affirmait-il. Et ils allaient se promener, bras dessous, joyeux. Cette joie-là, Thomas Lambroise l'avait volée à son maître. La femme était chaude, l'homme était jeune. Trahison. Le divan. Mystère des accouplements. L'amour, une sorte d'amour. L'élève avait enlevé la femme du maître, comme s'il avait volé à son maître l'essentiel de son talent. Le vieux Briat n'avait-il pas accoutumé de dire « Quand Suzon croit que je me suis trompé, je recommence. » Très laid, n'est-ce pas ? Assez fréquent. Rupture, honte, oubli. 10 ans avaient passé. Et pendant ces 10 années, la gloire de Justin Briat s'était couverte de brume, tandis que le succès de Thomas Lambroise avait franchi l'océan. Suzon se nommait aujourd'hui Madame Lambroise. Elle était reçue, elle s'asseyait à la droite des ambassadeurs, elle avait engraissé dans la prospérité et la respectabilité. « J'y penserai, » dit Thomas Lambroise. « Il ne faut rien décider à la légère. » Ils allèrent déjeuner, et Suzon, docile, subit sans se plaindre le maussade silence de l'époux qu'il avait associé à son triomphe. « Tu vas te promener ? » lui demanda-t-elle après le repas. « Veux-tu que je t'accompagne ? » Il refusa d'un geste. Il avait besoin d'être seul. Quelques moments plus tard, renseigné par le concierge, il sonnait à la porte de Justin Briat. La vieille Marie lui ouvrit. « Je vous attendais, » lui dit-elle. « Le maître est dans le jardin. Il a voulu que je lui apporte le chevalet, et il est en train de peindre. » Ne m'annoncez pas, je veux le surprendre. » Peut-être Thomas Lambroise craignait-il de ne pas être accueilli s'il demandait audience. Il traversa le salon, regarda par la fenêtre le jardin dont les pelouses descendaient vers la rivière, et il s'émut, étant tout de même un artiste, du spectacle de ce vieil homme aux épaules enveloppées d'un châle, à la tête penchée, à la main précautionneuse. Il s'avança, marchant sur la pointe des pieds. Il vit ce que voyait son maître. Il se demanda comment il aurait su, lui, rendre sur la toile ce que Justin Bréa s'efforçait de fixer. Quelques fleurs nées d'un buisson aux larges feuilles, quelques troncs d'arbres saisis par l'ombre du feuillage, une eau lente qui coulait, des lointains atténués par le rayonnement poudreux du soleil. Marie le poussa. « Allez, il sera content. Il se plaint qu'on l'abandonne. »« C'est moi, maître, qui viens vous rendre visite. »« Qui ça, vous ?»« Ah, c'est vous, Lambroise. » « Vous voyez ça, mon petit, qu'en pensez-vous? C'est noir, ce n'est pas du bitume, ça, hein ?»« Ah, certes, non. »« Je suis content, mon petit. J'ai failli claquer avant-hier, mais je n'ai pas voulu. Et quand on ne veut pas mourir, on ne meurt pas. »« Donne-lui une chaise, Marie. »« Voyons, donne-lui une chaise. »« Alors, mon petit, ça vous plaît, ça ?» Il ne regardait pas le traître, mais il regardait sa toile. Thomas Lambroise ne pouvait parler. « Voyez-vous, Lambroise, je crois bien que cette fois je tiens le secret de la peinture. » Mais le vieux se prit à rire. « Je plagie Auguste Renoir, qui a déjà dit cela à mon ami Vollard. Vous en souvenez-vous ? » Et Renoir, le prodigieux Renoir, qui avait des défauts, bien entendu, ajoutait « Quel malheur que chaque progrès qu'on croit faire, c'est un pas qu'on fait vers la tombe. » Mais il formait ce souhait que je forme, vivre encore un peu pour faire un chef-d'œuvre. Pourquoi n'avez-vous jamais appris à dessiner, mon petit Lambroise? C'est cela que je vous reproche. Vous n'avez jamais su dessiner une main. Le succès, c'est si peu de choses. Avez-vous gagné beaucoup d'argent cette année? Maître, je suis venu pour vous dire, je suis content que vous soyez venu. C'est bien, ça. Je trouve que c'est bien. Il faut apprendre à dessiner, mon garçon, et il faut se servir de couleurs qui chantent. À cet instant-là, parut dans le jardin, Suzon, l'ancien modèle, l'ancienne épouse. Marie essayait de la retenir, mais le vieux Bréa l'aperçut. « Ah, te voilà !» lui dit-il. « Viens voir. Qu'en penses-tu? Est-ce bien ça, hein? Est-ce bien ?»« C'est beau !» fit-elle d'une voix grasse qu'il ne reconnut pas. « Comme tu es changé !» lui dit-il. « Tu es devenue lourde, mon enfant. Tu avais de la ligne et tu n'en as plus. Marie, donne-lui une chaise. J'ai failli crever, ma chère. « Mais je n'ai pas voulu. Dis-moi, franchement, ce que tu penses de ça. »« Je suis venu. »« Oui, oui, vous êtes venus tous les deux. »« Mais sais-tu ce qu'a dit Renoir ? Il a dit, « Les honneurs me tombent de partout et je ne puis me payer un ami. »« Je n'ai pas besoin d'amis. »« Mais ça, mes enfants, » et il montrait la toile, « ça, c'est très bien. »« Et le reste, je m'en fiche. » Il jeta le mot avec un souverain mépris. Ce fut sa revanche.